le dernier disque. Et ce sera un disque. Ce sera le dernier album. Après, de toute façon, il n'y aura plus personne pour écouter les disques. Fin de partie. Fin de siècle. Tout se termine. Ici sur Mendelssohn, numéro 7. Mendelssohn, groupe obscur, inconnu, mythique, culte, mon ce sera la fin de la fin de la fin de l'histoire ancienne. Ce sera la fin de la page noire de l'aventure humaine. Rien que ça. Rideau. Mendelssohn ne chantera plus jamais. Personne ne chantera.